meurtrice, mais l'amour, et puis donner la vie. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fadjet 94.2. Daniel en votre compagnie, il va la technique pour vous présenter Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui, elle comprend des zouk antillais comme d'habitude, un thème de chanson, une balade autour du mot montagne, un voyage musical en France. Alors cette fois, nous n'allons pas partir bien loin, on va partir dans le Dauphiné. Et puis un zeste de jazz manouche. Nous commençons par le zouk. Leïla Chico, chanteuse de zouk, est née à Sarcelles, en région parisienne. Et en 1996, elle a été élue Miss Carnaval de Guadeloupe. Pas pour moi, Leïla Chico. Fils de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc, a appris la guitare à 18 ans. Et quand il a découvert la musique de Django Reinhardt, il a dit « Bon sang, c'est bien sûr, c'est ce que je veux faire. » Alors, il fit alors ses gammes auprès des meilleurs musiciens de jazz manouche, en plein cœur du marché aux puces de Saint-Ouen, qui je suis, Thomas Dutronc. Je suis un voisin du dessus, pour le voisin du dessous. Je suis qu'un reflet pour la glace. Un CV pour la place, un casseur pour les noirs. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Un siffleur pour mon verre, un ange pour ma grand-mère. Un grain de poussière pour l'univers. Je suis qu'un compte pour ma banque, X pour la file d'attente. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Toutes ces étiquettes qu'on me colle sur le dos, ça m'inquiète. Oh, j'aimerais tant savoir si un jour, ouais, je pourrais savoir qui je suis. J'aimerais tant savoir si un jour, ouais, je pourrais savoir qui je serai, qui je fus, qui je suis quand je ne suis pas dans ton lit. Un mouchoir pour tes pleurs. Je suis qu'une pomme pour ton cœur. Un anneau pour ton doigt. Un écho pour ta voix. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Je suis le meilleur pour le pire. Une page blanche pour l'avenir. Je suis qu'un danger pour mon foie. Un avant pour l'après. Une tombe pour tes secrets. Oh, dis-moi que je suis tout pour toi. Ces étiquettes qu'on me colle sur le dos, ça m'inquiète. Oh, j'aimerais tant savoir si un jour, ouais, je pourrais savoir qui je suis. J'aimerais tant savoir si un jour, ouais, je pourrais savoir qui je serai, qui je fus, qui je suis quand je ne suis pas dans ton lit. Solo. Je ne suis pas qui nous sommes quand je ne suis pas qui tu es quand je ne suis pas dans ton lit. Le Dauphiné. Avant d'attaquer la rubrique de ce voyage en Dauphiné, je voudrais faire un clin d'œil à Yvette et Philippe Constantin de Saint-Paul-de-Léon, c'est dans le Finistère, et à Jean-Luc Petrossi de Champs-sur-Drac, c'est dans l'Isère, qui ont contribué un petit peu à cette rubrique. Alors, le Dauphiné. Le Dauphiné se situe au sud de la région lyonnaise, à l'ouest de l'Italie, au nord de la Provence. Et le Dauphiné est constitué de trois départements, l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, avec comme chef-lieu de département respectif Grenoble pour l'Isère, Valence pour la Drôme et Gap pour les Hautes-Alpes. Une région riche sur le plan industriel, avec des technologies de pointe, riches sur le plan touristique et riches sur le plan de la gastronomie alpes-dauphinoise, Jacques Gauthier. Alpes-dauphinoise, si jolie, un torrent qui jase et s'enfuit, coiffe villageoise du pays. Neige qui brille au soleil en jetant des diamants tout là-haut sur les grands sommets. Ce sont autant de merveilles, de tableaux éclatants que l'on n'oublie jamais. C'est la chanson que chantait Jeannot, seul tout là-haut avec son troupeau. Alors son cœur s'envolait léger vers une fille dans la vallée. Alpes dauphinoises, si jolie, un torrent qui jase et s'enfuit. Coiffe ville la joie des pays. Neige qui brille au soleil en jetant des diamants tout là-haut sur les grands sommets. Ce sont autant de merveilles, de tableaux éclatants que l'on n'oublie jamais. Puis un beau jour, Jeannot est parti à l'aventure en d'autres pays. Quand parfois son cœur désespérait, un doux refrain lui chantait. Si joli. Qui brille au soleil en jetant des diamants tout là-haut sur les grands sommets. Ce sont autant de merveilles, de tableaux éclatants que l'on n'oublie jamais. Mais aujourd'hui c'est dans la vallée que le refrain gaiement va chanter. Car enfin de retour au pays, c'est Jeannot qui se marie. Alpes dauphinoises, un torrent qui jase et s'enfuit. Coiffe villageoise et pays. Neige qui brille au soleil en jetant des diamants tout là-haut sur les grands sommets. Ce sont autant de merveilles, de tableaux éclatants que l'on n'oublie jamais. C'est en 1964, donc 4 ans avant les Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, que Dalida interprète Le Soleil et la Montagne. Oh, on s'y reconnaît bien. Le Soleil et la Montagne, Dalida. Ta compagne Pour ne parler que du parc des Écrins dans les Hautes-Alpes, plus de 150 sommets dépassent les 3000 mètres, pour défendre vallées avoisinant les 1000 mètres. Les glaciers sont encore bien présents. Ils ont laissé dans le paysage de très nombreuses traces de leur débordement. Georges Hamel, au sommet des montagnes. Sommet des montagnes où renaît le printemps. Au sommet des montagnes, il est là et t'attend. Ses bras sont grands ouverts, inondés de lumière. Il s'avance vers toi pour te donner sa joie. Redis-lui que tes rêves ne sont pas terminés. Dès que la nuit s'achève, tout peut recommencer. Les montagnes, les roseaux sont en fleurs. Au sommet des montagnes, il est là dans ton cœur. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir les pauvres. Il te livre un secret pour te donner sa paix. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour, que la vie soit poème, un poème d'amour. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour, que la vie soit poème, un poème d'amour. Que la vie soit poème, un poème d'amour. La ville de Vinay, vous connaissez, c'est en Isère. C'est à, je sais pas, 30 km de Grenoble à peu près. Et Vinay est la capitale de la noix de Grenoble. Noix de Grenoble, une appellation d'origine contrôlée, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de noyers, noyers qui ont effectivement peut-être empêché la construction d'une voie autoroutière, parce qu'il fallait passer en plein milieu. Bref, Louis Baron nous propose une chanson, un tantinet érotique, qui nous conte l'histoire d'une demoiselle propriétaire de riches noyerets, et qui aurait bien voulu ne plus rester demoiselle. Oui, mais la demoiselle de Vinay, Louis Baron. Eh bien, maintenant, je vais vous emmener à côté de Grenoble, dans un petit village qui s'appelle Vinay, une histoire abominable, qui est arrivée à une demoiselle, eh bien, de Vinay au XIXe siècle. La demoiselle de Vinay. Devinez qui, devinez quoi, possède grande noyerin, mais sera toujours vieille fille, car il néga en dauphiné, qui briserait cette coquille, de peur d'y laisser son dentier, de peur d'y laisser son dentier. Dure la noix, dure le noyer, ohé, pour durer la noix du dauphiné. Quand elle était petite fille, faisait des sourires au curé. Mais le curé tournait sa vrille avec le fils de l'épicier. Alors le lever les yeux au ciel et prier le Fils de Marie de lui montrer le septième ciel avant que ne tombent les pluies. Un jour, elle entra dans l'église pour voir enfin un saint Vrillon soulevant le pan de chemise du petit Jésus sur son paillon. La fillette ne trouva rien. Les grelots s'étaient fait la paire, sans doute la bande à mandrin avait décroché la chimère. La demoiselle devinait. Devinez qui, devinez quoi, possède grande noyerette, mais sera toujours vieille fille, car il n'est gars en dauphiné, qui briserait cette coquille, de peur d'y laisser son dentier, de peur d'y laisser son dent. Bravo mesdames, dure la noix, dure le noyer, ohé. Durée la noix du dauphiné. Elle grandit dans ses complexes, se mit à ramasser les noix. Le diable même cachait son sexe en la croisant au coin des bois. Il n'était pas question ainsi de tirer sur le beau panache. Ne restait plus de saint esprit, mais faut-il savoir ce qu'il cache. Une agence matrimoniale tenta de forcer le destin, la guidant à choisir un châle qui montrait l'angle de ses seins. Le marché fut bien rédigé, c'était dans le Dauphiné libéré, oui, noyé, épouserait vignoble. Personne ne vint s'y risquer, tant le vin de noix est ignoble. La demoiselle devinait, devinait qui, devinait quoi, possède grande noix, y aurait, mais sera toujours vieille fille, car il n'est gars en Dauphiné. De peur d'y laisser son dentier, de peur d'y laisser son dentier. Durée la noix, dure le noyer, ohé, durée la noix du Dauphiné. Épilogue, le temps passa sur son visage et patina son médaillon. Les noix faisaient un bon fromage et les écus sonnaient bien rond. Et quand on vit au cimetière, son tombeau droit comme un phallus, son chanta en guise de prière. La demoiselle de deviner, devinez qui, devinez quoi, possède grande noyerette. Pourtant mourut comme une chose, car ils sont gars en Dauphiné. Préfère les roses de peur d'y perdre leur santé, de peur d'y perdre leur santé. Durée la noix, dure le noyer, ohé, durée la noix du Dauphiné, durée la noix du Dauphiné, durée la noix du Dauphiné. Le soleil brille pour tous ceux qui s'aiment d'un amour infini. La vie n'est pas un jeu. Il faut profiter de tous les bons moments qui nous sont donnés. Je ne t'ai pas menti. Ça nous fait mal. Mosé. T'as jamais pensé où t'es caissé, moi? T'as jamais pensé où t'es quitté, moi? Mais moi, il y a des cas senti moins bien. À l'hôpital, a vini changer. Pas qu'à comprendre qu'à qui passer. Nous changer, changer, changer. Nous changer, changer. Moi, malheureux. Ou qu'a dit que c'est faute, moi. Alors qu'on pas, je fais rien. En bon, que moi, soleil, moi. Qu'a déjà dit qu'arrivé nous. Changer, changer, changer. Ou changer, changer, baby. Ça fait moins mal, ça fait moins mal, ça fait moins mal. Ça fait moins mal, ça fait moins mal, ça fait moins mal. déjà passé ou t'es qui quitté moi. Puis jamais passé ou t'es qui laïe moi. Hier encore t'es une nouvelle ou. Donc elle est jodie, ou qu'a pâti, qu'est en moins déchiré. Ou a ni décidé, qu'est ou v'lé pas parler. Qu'est tout ça qu'arrivé, ça t'est maqué. Pas gardé moi, qu'a évité moi. Pas qu'a comprendre qu'a y passé. Viens nous, viens changer. Jamais trahi. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu trahis moi. En bas menti bas. Oh non non non. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu menti bas. Jamais menti bas. C'est pas tu trahis moi. Où c'est soleil moi. Oui toute vie en moi. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu menti bas. Jamais menti bas. Jamais menti bas. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu menti bas. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu trahis moi. C'est pas tu menti bas. C'est pas tu trahis moi. Le Dauphiné, ben c'est le paradis des skieurs. En Isère, on citera entre autres les stations de Villard-de-Lans, Autran, Champs-Rousses, l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, il y en a d'autres. Le département des Hautes-Alpes n'a rien à envier. On va parler des stations de la Grave, de Montgenèvre, le massif du Pelvoux, Risoul et Serre-Chevalier. Ce sont des noms qui vous disent quelque chose. La Drôme propose 60 km de pistes de ski alpin, 380 km de ski nordique, et 50 km de pistes de chiens de traîneau, la montagne Jean Ferrat. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt. Le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, qu'une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, qu'il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? La devise du Dauphiné, c'est « en avant ». Alors là, je me dois de vous prévenir, il risque d'y avoir des explosions dans les propos que je vais tenir maintenant. Surtout, faites très attention aux chevilles. Voilà, on vante beaucoup le caractère du Dauphinois avec sa profondeur, sa ténacité et sa finesse. Plus calme que le méridional, au lieu de s'emporter, il réfléchit et on cite le dicton « fin, rusé, courtois ». Le Dauphiné sent venir le vent et connaît la couleur de la brise. Ça va les chevilles, pas de problème. Alors le Dauphinois par contre se nourrit bien, hein, pléthore de spécialités culinaires. Le Murson, ah ça je vais vous le présenter, je vais vous le prononcer avec le patois matézin. Le Mirzou, saucisse de porc à cuire, grains de fenouil et de carvi. Le Chevreau, en blanquette ou en gigot. Le Cardon. Ah, c'est un légume ancien de la famille des blettes. Ah oui, le cardon à la moelle. Le cardon à la moelle, c'est très très bon. Le gratin dauphinois, dans lequel on ne met pas de gruyère. La noix de Grenoble, la truite et la cervelle à la grenobloise. Les oreilles d'âne, à base d'épinards. La caillette de la Drôme. Le fromage de Saint-Marcellin et celui de Saint-Félicien. Les tourtons du Champsaur. Les olives de Nyons. Les ravioles du Royan, le nougat de Montélimar et la pogne de Roman dans laquelle on tire les rois lors d'Épiphanie. Et puis alors on va parler de la grande chartreuse, qu'elle soit verte ou jaune, il faut la consommer avec modération. L'anthésite, qui n'a pas d'alcool bien entendu, mais à consommer avec modération, car elle peut faire monter la tension. Et le vin de Tricastin. Ah, le vin de Tricastin qui a changé de nom. On ne voit plus de vin de Tricastin maintenant. Il a changé de nom à cause de la centrale nucléaire. Il s'appelle maintenant Grignan les Adémars. Mais les vignobles sont toujours au même endroit. Et c'est toujours en Côte-du-Rhône apprécié. La Chartreuse en chanson. Des entremonts, regardez nos fleurs et nos neiges, les forêts de grands sapins noirs. Dans cet air pur qui vous allège, vous saurez son nom dès ce soir. Ce pays, c'est la Chartreuse, nous l'avons plus près du ciel. Il nous fait l'âme joyeuse, notre amour est éternel. Bénissons notre fortune, car il faut le dire encore. La Chartreuse, il n'en est qu'une, c'est pour nous le seul trésor. Sous le regard bleu des gentianes, qu'il est beau l'été de chez nous. On voit fleurir la valériane et le lys nous fait les yeux doux. Là-haut, dans le vent de l'alpage, nos troupeaux resteront trois mois, leur laissant bon l'herbe sauvage au royaume vert des chamois. Ce pays, c'est la Chartreuse, là-haut, plus près du ciel. Il nous fait l'âme joyeuse, notre amour est éternel. le dire encore. La chartreuse, il n'en est qu'une, c'est pour nous le seul trésor. Quand l'automne entoure les branches, chez nous c'est un enchantement. Et lorsque vient la neige blanche, il neige des fleurs de printemps. La montagne met son diadème, elle se marie au soleil. À mon beau pays que je t'aime, ailleurs tu n'as pas ton pareil. Ce pays, c'est la Chartreuse, tout là-haut, plus près du ciel. Il nous fait l'âme joyeuse, notre amour est éternel. Bénissons notre fortune, car il faut le dire encore. La Chartreuse, il n'en est qu'une, c'est pour nous le seul trésor. D'inspiration hongroise ou écossaise, c'est le jazz manouche, Joseph Joseph, par le Hot Club du Nax. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her, will she name the day. He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. Nelly, c'est une chanteuse française d'origine guyanaise, martiniquaise et égyptienne. Ils sont mis à trois, oula. Sexy, elle dégage un regard mystérieux et semble toujours de bonne humeur. Elle n'a jamais pris de cours de chant et pourtant, elle chante à tes côtés, Nelly. Thank you. rapide on tire si nous mi aller en cap pour prendre la ville en mou fou ou CF ouais c'est yada on élimine toute prétendance vous et moi nous complémentaires ça c'est que bon j'ai fait pour moi. À ne pas manquer dans ce voyage en Dauphiné, le tour de Vizille. Oui, on dit bien Vizille et non pas Vizille. C'est à 16 km de Grenoble. Le château de Vizille, construit dès 1594, c'était la propriété du gouverneur du Dauphiné, François de Beaune, qui viendra plus tard le connétable Lesdiguières, le chef des armées françaises. Oh, pas facile, le François de Beaune. Il s'était emparé de Vizille et il avait mis les Vizillois au boulot pour construire le château. Et il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il leur avait dit « viendrez ou brûlerez ». Ce qui signifiait « si vous n'avez pas bossé pour le château, eh bien je mettrai le feu à votre maison ». Cela dit, bon, il n'était pas à la rue quand même, le François. Il était propriétaire de 7 châteaux en Dauphiné. Bon, bien plus tard, c'est au château de Vizille, en 1789, que se réunirent les états généraux du Dauphiné, noblesse, clergé, tiers état. Cette réunion fut ensuite suivie partout en France, et Vizille est reconnue comme le berceau de la Révolution française. Résidence présidentielle, le château de Vizille fut surtout fréquenté par le président René Coty. Ah, c'est avec la venue de René Coty que je découvris ce qu'était la corruption. Et je le confesse aujourd'hui, ah ben surtout à vous, depuis qu'on se connaît. Oui, j'ai été un corrompu. René Coty et son épouse Germaine, que les Vizillois adoraient, avaient l'habitude de circuler dans Vizille avec de grands plateaux remplis de bonbons, bien entendu. Tous les enfants escortaient le couple présidentiel et se gaver de friandises. La corruption, elle venait du protocole qui demandait aux enfants en échange de crier « Vive Monsieur le Président de la République !» On aurait bien crié « Vive la fin du monde !» en échange de quelques caramels, pralines, berlingots ou encore de Mistral gagnant. Mais bon, c'est cela la corruption. De Gaulle, président de la République, ne vint qu'une seule fois à Vizille. pas de réception de la part de la municipalité communiste en désaccord avec sa politique. Juste la petite Ghislaine, fille de Roland Richer, un ancien résistant et gérant d'un petit magasin casino qui vouait à De Gaulle une grande admiration. La petite Ghislaine offrit des fleurs à Madame De Gaulle, ravie et un peu consolée de ce mauvais accueil. En plus, il pleuvait. Alors, est-ce le mauvais accueil ou est-ce que Charles de Gaulle a trouvé le lit trop petit? Il n'est remis jamais les pieds à Vizille. Depuis, le château a été repris par le Conseil général de l'Isère et il abrite le musée de la Révolution française. Le parc du château est une merveille, avec des truites longues comme le bras et l'avant-bras réunis, des cygnes, des canards, des paons, des cerfs et autres animaux, et de magnifiques jardins à la française. Allez, viens sur la montagne, Marie Laforêt. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Demain, j'arrêterai. Demain, je m'y mettrai. Demain, demain, demain, toujours demain. Jazz manouche pour Thomas Dutronc. Demain, Thomas Dutronc. Demain, j'arrêterai. Demain, je m'y mettrai. Je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête. Mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles. Je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien au café en terrasse. Je suis bien, j'en garde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain. Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez, viens voir mon frère. C'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous plaire, mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. Je fais des économies, je prévois le reste de ma vie. Mutuelle et petits bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers un. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre et rêver. On va pas parler du Dauphiné. Oh non, on va pas parler du Dauphiné si on n'a pas parlé de Louis Mandrin. Allez les manios, en avant. Louis Mandrin, c'était un contrebandier dauphinois et il était né en 1725 à Saint-Jeoire-en-Valdaine dans l'Isère, c'est un petit pays. Il partit en guerre contre les fermiers généraux. Alors là, ils étaient haïs de tous. Ils étaient chargés de percevoir les impôts, quoi, les nombreuses taxes, dont la gabelle. Et ces fermiers généraux s'enrichissaient copieusement sur le dos des petites gens en les étranglant et en ne reversant au roi qu'une partie de ce qu'ils avaient encaissé. Ils gardaient le reste pour eux et ils grossissaient à vue d'œil. La contrebande de Mandrin portait sur le tabac, le coton imprimé et les horloges. Il avait plusieurs centaines de personnes sous ses ordres, organisées comme un véritable régiment militaire. Et les fermiers généraux, exaspérés par ce bandit qui devenait de plus en plus populaire auprès des petites gens, demandèrent à l'armée du roi de l'arrêter, et ce qui fut fait, après avoir été jugé en 1755, il avait donc 30 ans, il fut roué vif sur la place des Clercs à Valence, devant 6000 curieux, et la chanson de Mandrin ne reflète pas tout à fait la vérité, mais quand même on va la passer, la complainte de Mandrin, Yves Montand. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez? J'y trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. de robes et de manteaux, j'en chargeais trois, vous m'entendez? De robes et de manteaux, j'en chargeais trois chariots. Je les portais pour vendre à la foire en Hollande. Je les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien, vous m'entendez? Les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leur longue robe et leur bonnet carré, m'eurent bientôt, vous m'entendez? Et leur bonnet carré, m'eurent bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre, à pendre et étrangler sur la place du, vous m'entendez? À pendre et étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez? J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves pour la régie technique. Vous, les auditeurs, pour nous avoir écoutés. Notre but, bien sûr, c'est de vous intéresser tout en vous distrayant. Et n'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde et dans toutes les régions françaises. Ne manquez pas Patchwork dans 15 jours et la cerise sur le canto dimanche prochain. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fadjet Nancy 94.2 ou sur le net radiofadjet.net. Au revoir.